Découpage rythmique, exemple 1. Découpage rythmique, exemple 2. Découpage rythmique, exemple 3. Découpage rythmique, exemple 4. Découpage rythmique, exemple 5. Découpage rythmique, exemple 6. Découpage rythmique, exemple 7. Découpage rythmique, exemple 8. Découpage rythmique, exemple 9. Découpage rythmique, exemple 10.